Malgré des stratégies d'enfer, vous échouez tout le temps. Vous vous demandez si la femme parfaite existe réellement. Si la réponse est oui, il n'y a rien de plus simple. Vous la recherchez sur Mythique, allez en plage 35. Les rencontres sur le net, vous trouvez ça pas net. Patience, un jour elle viendra bien. Rendez-vous plage 51.